fait long silence en estrolant. C'est une ambiance déconcertante. Je n'ai pas le choix, je m'en contente et doucement. Je touche le fond des longs silences en estrolant. Quelques paroles à la va-vite feraient du bien, même si tes études te protègent. Oh, tu fais le dos rond, je désaccordé. Des violences inocines en écorché. J'ai mon âme qui vacille d'accorder. Oh, mes violences inocines en écorché. Mon âme qui vacille, mon âme qui vacille. Oh, t'es long silence, en estrolant. Mon impatience a ses limites quand les choses ne sont pas dites. J'ai du mal à trouver le temps des longs silences en estrolant. Quelques fantômes mènent la danse et accompagnent mes errances. Je me balance à ton hameçon. Je désaccordé. Mes violons sont dansés dans les cordes. J'ai mon âme qui vacille, j'ai mon âme. T'es long silence en estrolant. Trop peu, j'aimerais comprendre. Si tu le veux, je peux me rendre à l'évidence. Et puis, c'est bon. T'es long silence en estrolant. Je n'en peux plus de les entendre. J'en peux plus de m'y attendre. Trois petits tours. J'ai mon âme qui vacille, j'ai mon âme. Oh, merci énormément.